suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Vivre la solitude, une série de Pauline Maucor réalisée par Véronique Samouilov. Au départ de cette série, il y a une idée d'avant le confinement qui résonne encore plus singulièrement aujourd'hui alors que certains et certaines découvrent la solitude. La solitude que d'autres connaissent depuis longtemps, à commencer par les mères et plus rarement les pères isolés. Alors pour commencer, les personnages. Une mère qui se débrouille, une femme qui épaule, une autrice nocturne, une mère de 3 adultes et des pères à temps partiel. Ensuite, le décor. Des logements sociaux, des pensions alimentaires, des siestes, des moments volés, le déclassement, la précarité, le tête-à-tête, des bouffées d'air, des dettes, des baffes et de la colère. Aujourd'hui, premier épisode, c'est l'heure d'aller chercher les enfants. Là, il est l'heure d'aller chercher les petits. Donc aujourd'hui, j'ai eu de la chance, j'ai pu rentrer plus tôt. Du coup, j'ai un petit peu rangé à la maison parce qu'il y avait de la lessive étendue, tout ça. Et là, je me dépêche d'aller les récupérer. On prend le dessert ensemble, les devoirs, on les fait, tout ça. Et après, brosser les dents et au lit. Ils sont où, là? Ils sont chez la nounou, qui m'aide beaucoup. Mais c'est au black, hein. C'est pas déclaré parce que bah, sinon, c'est trop cher. Et le week-end, après, ils s'en vont généralement chez mamie ou chez ma sœur qui habite dans le 15e. Vous faites quoi comme boulot? Je suis commerciale. Donc des grosses journées? Des très longues journées. 10h30 à 19h30. On vous laisse aller récupérer vos enfants. D'accord. À tout à l'heure. À tout de suite. L'ordinateur est resté en veille. Sur son moteur de recherche, elle entre. Mère seule plus galère. Des forums, des dizaines de forums. Des centaines de conseils pour les solos. Solo, c'est moins sinistre que seul. Solo, ça renouvelle la figure de la mère célibataire. Larguée, quittée, abandonnée. Ça éloigne le cliché misérable de la fille-mère. On présente la solo comme une battante. La superwoman des années 80 s'est dotée d'un nouveau super-pouvoir. En plus de travailler et de rester jeune, elle élève ses enfants elle-même. Elle est libre, totalement libre cette fois. De quoi se plaint-elle? Elle n'a qu'à assumer et bien se tenir. Se battre seule, la traversée de la nuit des mamans solo. Un documentaire de Pauline Maucor, réalisé par Véronique Samouilov. Les chaussures. Allez, dépêchez-vous. Oh, voyons, voyons, voyons. C'est cool, tu te calmes. Allez, vous lavez les mains. Là. Prends le dessin. C'est la chambre des enfants? Exactement. Le garçon dort en bas, la fille dort en haut. Et je les ai mis à l'aise au maximum. Leurs vêtements, un pseudo-dressing. Mais ça va, il y a tout ce qu'il faut, ils ont leur petite veilleuse parce qu'ils ont encore un peu peur du noir. Et pour l'instant, comme ils sont petits, il y a encore assez de place, donc ça va. Mmh. Ça se chamaille de temps en temps, mais franchement, j'ai beaucoup de chance. Ils ont quel âge? 5 ans, 6 ans. Et votre appartement, c'est un logement social? Oui, c'est un logement social, c'est du HLM et ça va, on s'en sort. On arrive à partir en vacances de temps en temps. Pas les petites vacances, mais les grandes vacances, généralement, j'économise pour pouvoir partir et les emmener quelque part. Je sais qu'il y a des familles qui sont beaucoup plus pires que moi, avec pareil, deux enfants bas âge, des mamans solo aussi, qui galèrent plus que moi avec des studios. J'ai vraiment pas à me plaindre. Ça va, on gère. Le début de la séparation, j'étais triste, j'étais malheureuse, j'étais pas bien. Parce qu'on essaie de se convaincre à dire « Ouais, j'ai pris la bonne décision, non, ça y est, je vais y arriver, machin, tout ça, c'est faux. » On souffre. Un, je suis séparée. J'ai plus mon amoureux. Deux, je suis toute seule dans ma galère. Trois, est-ce que je vais y arriver? Faut manger. Faut s'habiller. Les factures, c'est prélevé. On peut pas bloquer les prélèvements. Des fois, il y a des imprévus. Et à ce moment-là, ben, c'était la période où ça allait pas. Un euro, c'était vraiment un euro. C'était vraiment, je fais très attention à tout. Je serrai la vis. Et une période où les fins de mois étaient plus que difficiles. Là, Yachad m'a sauvé. Mais de chez sauvé. Joseph m'a expliqué. M'a permis d'aller faire les courses, en quelque sorte. Dans sa mini-boutique. Et non, ça m'a... Ne serait-ce que des pâtes. Ça fait quelque chose. du dentifrice. Faut pas croire, hein. Mais ça se paye aussi, hein. Donc Yachad est tombé au bon moment. L'écoute, l'aide. Bouge-toi les miches aussi pour celles qui ont tendance à être un petit peu dans la dépression et qui n'ont plus envie de bouger de chez elles. Moi, ça m'est arrivé. À notre tour, nous avons visité la mini-boutique de Josette et Lombo dans le local de l'association Yachad, situé au pied d'une cité HLM du 14e arrondissement de Paris. Au début, c'est pas gagné. Josette me le dit tout net, attention, ces femmes sont des lionnes. Il va falloir être à la hauteur. Comme c'est le cas 9 fois sur 10 en France, les chefs de famille monoparentales sont des femmes. Ici, pas de mère sacrificielle, mais des femmes battantes. En plus de pallier les manquements des pères, qui sont plus de 40% à ne pas verser les pensions alimentaires, elles tiennent tête aux services sociaux pour faire valoir leur droit à vivre librement et résistent à l'injustice d'un système d'allocation sexiste. Il y a des choses qui sont dites sur ces familles qui ne sont pas la réalité. On va dire que, par exemple, elles font des enfants pour faire des allocations. Non, elles font des enfants parce qu'elles rencontrent quelqu'un avec qui elles ont l'espoir de fonder une famille. Je veux dire, tout le monde aspire au bonheur. Mais il se trouve que quand vous êtes précaire, c'est difficile d'avoir un couple stable parce que vous avez trop de problèmes dans la tête. Le fait d'être seul dans la précarité, c'est aggravant parce que vous vous en sortez encore moins bien. D'abord, il n'y a pas de deuxième salaire qui peut vous aider, même si vous êtes deux précaires, ça vaut toujours mieux que d'être un précaire, de toute manière. Mais c'est aggravant parce que quand vous vous en sortez pas, quand vous êtes seul, c'est terrible. Il n'y a pas d'échappatoire, en fin de compte. Si vous devez faire garder vos enfants, vous ne pouvez pas parce que vous êtes seul. Vous n'avez pas les moyens de payer une nourrice. Donc c'est aggravant parce que vous ne pouvez pas aller chercher du travail, par exemple. Vous n'avez pas de perspective, en fin de compte, parce que tout est bloqué. Et ça, c'est un des aspects de la précarité. D'abord, vous arrêtez de vous battre pour la plupart des femmes, parce que vous vous battez dans le vide. C'est comme si vous tourniez en rond. Carole Fille, vous avez écrit « Tenir jusqu'à l'aube ». Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est ? Alors, c'est l'histoire d'une jeune mère célibataire qui élève seule son enfant dans une grande métropole à Lyon, qui est graphiste freelance, donc qui n'a pas de place en crèche pour élever son enfant. Donc elle travaille pendant les siestes du petit, l'après-midi et le soir quand il dort. Donc elle se précarise assez vite, et c'est l'histoire d'un déclassement social dû à cette monoparentalité. L'idée, c'est qu'effectivement la nuit, pour compenser cet enfermement pendant ces journées non-stop, 24 sur 24, avec cet enfant, elle va s'autoriser une première fois à aller faire le tour du pâté de maison, un soir. En laissant l'enfant seul. En laissant l'enfant seul, voilà. Vraiment juste pour respirer, prendre l'air. Elle sait qu'il dort et qu'il est parti pour 2-3 heures. Et puis elle va y prendre goût et elle va faire une nouvelle fugue quelques jours plus tard, et puis des fugues de plus en plus longues et de plus en plus loin dans la ville, où elle va effectivement laisser donc son enfant seul et le mettre en danger. Ce huis clos quotidien que connaissent beaucoup de femmes, enfin en tout cas beaucoup de parents solo, moi je l'ai vécu avec beaucoup de difficultés. Je trouvais que c'était un isolement dingue, se retrouver en tête à tête tout le temps avec un très jeune enfant. Pour moi, c'est une sorte de solitude pour un adulte. En dehors du système D, qui est le système qui va être utilisé par beaucoup de parents solo, en dehors de ce système D, il n'y a pas grand-chose qui est proposé. Et que donc, si on n'a pas les appuis amicaux du voisinage ou parentaux, on peut vite vraiment tomber très très bas et se précariser très fortement. Framboise ou chocolat ? Chocolat. Voilà. T'as des devoirs, Aminata ? Oui, non. T'as pas commencé à l'étude ? Si. J'ai plus qu'à Clémentine ou pas ? Non. Quand je rentre du travail comme ça, on est pressé de chez pressé. Parce que oui, on prend le temps de discuter, on prend le dessert, c'est bien. Mais on a notre propre fatigue de la journée. Et va brosser les dents, va t'amener les mains, allez au lit. Au lit, non, au lit, mais ils ont toujours envie de faire autre chose. Au lit, dépêche-toi, va dans ton lit. pression. Va dans ton lit. D'accord. On commence à s'énerver. Mais non, pas maintenant. Là, je te taquine. Je suis juste en train de raconter l'histoire. Quand ils sont couchés, généralement, je vais prendre ma douche. Et si j'ai de l'appétit, je mange. Sinon, au lit directement. Après, bah, coup de téléphone, SMS aux copines, histoire d'avoir une fausse vie sociale. Ça va, ça a été ta journée. Sinon, Snapchat que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. En fait, les personnes dans ma situation, généralement, on ne les voit pas beaucoup, les copines. Tu veux jouer avec la peinture? Moi, je n'en ai pas partout. J'espère. Toi aussi? Oui. Je vais vous amener ça ici. Je vais vous installer les feuilles. Merci. Par contre, toi, c'est cool, tu ne joueras pas longtemps parce que demain, tu vas à l'école. Je vais chercher de l'eau. Le petit est devant la télé, la moins chère des babysitters, à défaut d'être la meilleure. Un œil sur l'écran, elle ne veut pas qu'il regarde n'importe quoi, qu'il tombe sur des pubs, du téléachat, des séries violentes. L'autre, sur son ordinateur, a laissé le travailler. Puis, elle ira prendre sa douche, habiller le petit, le square, le déjeuner, retravailler une heure ou deux pendant la sieste, le goûter, les courses, le bain, l'éternel recommencement, la douce rengaine. Vous partagez tout, pas de dispute. Oui, sinon, pas de dispute, grondation. Soirée épuisée, ils en prennent pour leur grade. Parfois même quand ils traînent, ne serait-ce que pour aller se brosser les dents, je perds patience. J'y allais, c'est bon, au lit, au lit, au lit. C'est le gros grrrr. Le gros ras-le-bol, en fait, c'est la peur. Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce qu'ils vont être bien? C'est l'avenir. On voit l'avenir, on se pose des questions par rapport à leur avenir. En se remettant en question. Est-ce que j'ai pas merdé à un moment donné en demandant à la séparation? Est-ce qu'il faut pas se supporter? Les enfants, ils savent quand ça va pas chez la maman. Il y en a une, elle vient faire la faillotte. L'autre qui fait l'innocent. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, ça va? La petite voix, là, ça calme un peu, ça détend, mais au fond, ça boue. On ne peut pas les agresser, on ne peut pas les attaquer. C'est des enfants, on réalise, c'est des enfants. Parfois, j'ai besoin qu'ils dorment avec moi. En fait, c'est comme... C'est comme un médicament, ça fait du bien. C'est bon, vous avez fini? En plus, aujourd'hui, j'ai fait de la peinture. Et tu veux en faire encore? Juste pour me fatiguer. T'es pas bien installé? Vas-y, grimpe. Elle tenait la journée. Elle tenait pour le petit. Mais quand la nuit s'annonçait, elle avait hâte de le voir endormi. De pouvoir enfin tout lâcher. Les craintes, les colères retenues. Elle était lasse. Fatiguée de cette créature qu'elle avait créée de toutes pièces, la bonne mère. C'était sans doute dans ces moments-là que l'envie de fuir était la plus forte. Quand elle réalisait qu'elle ne supportait plus cet unique rôle où on la contenait désormais, dans un film dont elle avait manqué le début et qu'elle traversait en figurante. C'était alors que les fugues s'imposaient, comme une respiration, un entêtement. Et est-ce que le fait que vous vous retrouviez seul face à l'enfant, parfois l'enfant s'en sert contre vous en vous faisant des reproches? Alors ça, je crois que c'est une constante. Nous sommes responsables. J'ai jamais compris pourquoi. Dans la bouche de l'enfant? Ah oui, oui, nous sommes responsables. Du fait que le père soit parti, parce que c'est souvent le père qui part. Oui. Je sais pas pourquoi, dans la tête de l'enfant, c'est de la faute de la maman s'il se retrouve sans papa. Et cette situation-là crée des problèmes incroyables. Vous, vos filles, elles vous ont fait ce reproche-là, Josette? Ah oui, moi c'était... Mais pendant des années. Moi, oui. J'ai pleuré en cachette pendant des années. Parce que quand il y a des enfants qui sont là, malgré la douleur, vous restez le parent. Et un parent a pour premier rôle de sécuriser ses enfants, de les aimer et de les préserver. Et moi, je ne me voyais pas expliquer à mes enfants quel était le genre d'homme qui était leur père. C'est pas mon rôle. Parce que moi, j'avais une relation... de homme à femme, c'est pas leur vécu. Donc vous protégez le papa? Non, je protégeais mes enfants. Parce que moi, le papa n'a jamais été là. Pendant toutes ces années, vous voulez que je dise à mes filles, oui, mais de toute manière, ton papa, c'était qu'un con, de toute manière, heureusement qu'il n'est plus là. Et ça, c'est... Vous êtes en train de tuer quelqu'un, là, en faisant ça. Et c'est parce que je me suis interdit de faire ça que j'ai souffert. C'est pourquoi j'ai pleuré en cachette. J'ai dit, mais mon Dieu, mais si elle savait. Si elle savait. Et souvent, vous remarquerez que les femmes qui sont seules avec leurs enfants, on leur dit, mais alors, franchement, mais qu'est-ce que t'es forte? Non, on s'est créé un personnage Marvel. On est devenus des Wonder Woman contraintes. Parce que on ne peut pas échouer vis-à-vis de nos enfants. Déjà là, il y en a partout. Il y en a partout sur la table. Vous avez tout nettoyé. Eh oui. J'ai envie de mettre ça pour éteindre. Le boulot. Le couleur des bah vas-y, chérie. Oh. En fait, attends. On est responsable de 24 heures sur 24. On n'a pas le droit d'être malade. On n'a pas le droit d'être fatigué. À l'école, où on appelle qui quand il y a un maman, souci. Elle met de l'eau. Eh ben, elle met de l'eau. Qu'est-ce que je te dise? T'as ton pinceau dans le gobelet, vas-y. En fait, moi, j'ai pas. Non, tu le laisses dans le gobelet. C'est bon là? Oui. C'est comme ça. Les mamans d'abord. Pourquoi je ne saurais pas l'expliquer? C'est le système. Après, est-ce que ça doit se régler au sein du couple ou est-ce que ça doit se régler au niveau vraiment national, j'ai envie de dire, ou même mondial, d'arrêter de mettre la maman toujours en avant parce qu'elle ne l'a pas fait toute seule, le bébé. Voilà, elle a fait avec le papa. Le papa aussi, il a sa part de responsabilité, qui est séparation ou non. Mais c'est toujours maman, maman, maman, maman, maman. Pourquoi, je ne sais pas. C'est comme ça. Je la vis toute seule, ma difficulté. Tandis qu'avec un couple, quand on est en couple, on la partage. Deux cerveaux, deux solutions possibles. Là, je cherche toute seule la solution. Il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de relais. Allez, vas-y. Roule vite avant que ça sèche. On roule dans le violet aussi, on roule. On roule partout. Ah, c'est pas mal aussi, hein. Quelque chose ne va pas? Elle s'approche, caresse la petite joue rebondie. Tu veux un autre biberon? Tu veux te reposer dans ton lit? La bouche de l'enfant se retourne. Les petites commissures retombent vers le bas. Ses yeux sont mi-clos. Tu es triste? Il hoche la tête. Son petit menton tremble légèrement. Papa, chuchote l'enfant. Mon papa. Eh bien quoi, ton papa? Il est où? Il est où, mon papa? Elle s'assied près de l'enfant, lui prend la main. Il n'est pas là, ton papa, pour le moment. C'est comme ça, on n'y peut rien. Ni toi, ni moi. T'as besoin d'être dans l'activité, t'as besoin d'être dans l'action, t'as besoin d'être dans la vie pour survivre. Si tu t'arrêtes, tu crèves. Parce que là, maintenant, tu t'interroges sur ta vie. Et c'est là où tu peux faire des dégâts. Tu peux dire, la vie vaut pas la peine, tu te flingues et tu flingues tes enfants. Tu dois pas t'arrêter, en fin de compte. Tu ne dois pas t'arrêter. Ça t'est interdit. En fin de compte, on est comme des taulards. Tu marches comme ça dans ta cellule, et ta cellule, c'est ta tête. Tac, tac, tac, tac. Tu tournes dans ta tête comme ça. Tu peux pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu deviens fou. Parce que si tu t'arrêtes, tu repenses à ta situation. Tu dis, mais c'est pas possible. Mais j'ai pas mérité ça. Mais pourquoi ça m'est arrivé? Ça, c'est des fausses questions. C'est des questions qui t'amènent nulle part. Donc, tu dois te donner une hygiène de vie qui ne te permet pas ce type de réflexion. On se juge sans arrêt. Les autres ont beau dire, mais non, t'as rien à voir avec ça, c'est pas ta faute. Mais au fond de toi, tu t'es dit si quand même un peu. Si l'enfant a mal tourné, c'est ma faute. Si le mari est parti, c'est ma faute. Donc on est sans arrêt en train de se dire, j'ai une part de responsabilité. On doit être doublement irréprochable. Il faut pas que les enfants déconnent. Parce que ça serait de notre faute, parce que les papas sont partis, mais ils nous culpabilisent aussi. Inconsciemment, moi je le faisais. Fais attention, parce que si tu vois ton papa en route, s'il voit que tu es comme ça, il va dire que c'est de ma faute. Donc il y a ce poids-là encore qui est... C'est là où on dit la charge mentale, parce qu'il faut la supporter, la charge mentale. Je veux dire, et quand vous êtes en plus précaire, c'est encore plus compliqué. Vous n'avez pas de répit, parce que vous n'avez que des quêtes qui sont des quêtes que vous ne devriez pas avoir. Vous ne pouvez pas vous lever le matin en vous disant qu'est-ce que mes enfants vont manger aujourd'hui. Ça ne peut pas être une quête perpétuelle. Leur quête, c'est, On a payé l'électricité ce mois-ci. Le mois prochain, est-ce qu'on paye le loyer ou on paye je ne sais pas quoi? Est-ce qu'on paye la cantine? Enfin, il y a toujours... Ça veut dire qu'il faut faire des mathématiques tout le temps. Ce n'est pas possible. Mais ça rend dingue. Et ça, ce n'est pas la vie, ça. Et ça, c'est leur vie, par contre. Je suis partie voir une assistante sociale parce que j'avais des détresses. Une détresse financière énorme, c'est que j'avais encore les casseroles du passé. J'avais eu quelques surprises, en fait, après le départ de papa. Et, faut payer. Donc, les crédits, les organismes de crédit, maman solo, non, c'est mort. Ça passe pas. Du coup, assistante sociale. Donc, je prends le rendez-vous, j'y vais. Elle me dit, oui, non, mais je pense que dans votre situation, il faut faire un dossier de surendettement. Mais je suis bloquée pendant 5 ans, c'est-à-dire que je n'ai pas de liberté financière. Donc, moi, je suis pas d'accord, je suis pas... J'ai un salaire à la fin du mois, je veux juste qu'on m'aide, quoi, pas qu'on m'enfonce. Ouais, vous trouvez que quand vous êtes seule, en fait... On est une proie. On est une proie. Parce que le fait de vouloir m'envoyer un éducateur à la maison pour vérifier comment je m'occupe de mes enfants, tout ça, je vois pas l'intérêt. Comment ça ? L'assistante sociale, toujours. Quand elle voulait que je sois chez une nounou déclarée, elle a aussi... proposer de m'envoyer un éducateur, voir comment je m'occupe des enfants, si je suis bien avec les enfants, si je suis pas une hystérique avec les enfants. Vous êtes sentie jugée, vous êtes sentie... Je me suis sentie jugée. Limite, elle voulait éduquer mieux que moi mes propres enfants, sauf que c'est moi qui les ai portés 9 mois chacun. C'est moi qui les ai accouchés, sans péridurale. Et c'est allé jusqu'où cette histoire d'éducateur ? Je l'ai pas fait. Je suis sortie de son bureau en lui disant oui, mais je l'ai pas fait. Ni le dossier de surendettement. J'ai quasiment tout remboursé. On lui remit les brochures de la caisse d'allocation familiale, on lui assura qu'elle avait des droits, qu'il y avait des aides, peut-être le minimum d'insertion, c'était toujours bon à prendre. Et pourquoi ce loyer insensé ? 60 mètres carrés ? Il fallait au plus vite quitter cet appartement pour un autre plus adapté. Un 2 pièces qu'elle s'achète un clic-clac. À 2, on avait nul besoin de 2 chambres. À chaque nouvelle démarche, il fallait se justifier, détailler sa situation. Des femmes derrière un bureau ou au téléphone questionnaient, perçaient leur intimité. Elles donnaient le change, répondaient, essayaient de formuler le chaos. Quand on avait enfin fait le tour du problème, on lui procurait d'autres numéros, d'autres adresses où se rendre, à l'autre bout de la ville, en bus, en tramway, flanqué du petit, et où recommençaient depuis le début les mêmes interrogatoires, les mêmes histoires. Plus des 3/4 des femmes ne vont pas voir les assistantes sociales. Et c'est un réel problème. Mais parce que justement, à cause des jugements, parce que ta situation, elle est ce qu'elle est, tu dois te justifier. On n'est pas des problèmes, on est des personnes. Alors moi, c'est Nathalie. Je suis mère de 3 enfants. Ils sont grands aujourd'hui. 32 ans, 30 ans et 21 ans. Je les ai élevés seuls. Pas facile, hein? Avec les combats, les hauts et les bas. Mais grâce à Dieu, on s'en est sorti, quoi. S'en est sorti. Puis on a fait le chemin ensemble avec Josette. Il y a combien de temps que vous connaissez? Ça ne nous rajeunit pas. Hein. La petite avait 6 mois, elle a 21 ans. Là, on combattait déjà, hein? La baguette, on se la partageait. Si elle avait 100 euros, 100 francs à l'époque. C'était moitié-moitié. J'allais faire mes courses dans son congélateur. Donc, on se soutenait vraiment. On se soutenait. Parce que j'ai connu le chômage aussi. Hein. La pension alimentaire, j'en ai jamais eu. Vous avez eu affaire au juge des enfants, vous, ou pas? Oh oui, j'avais eu affaire au juge des enfants parce qu'il faisait tellement de scandales. Malgré qu'il était parti, il revenait faire le scandale. Bon, on a été signalé. Je crois que c'est l'assistant social qui avait fait un signalement. Là, il fallait montrer que j'étais une bonne mère. On voulait savoir si je les frappais, quel genre de maman j'étais. Bon, mes enfants, ils disaient la vérité. Mais au bout de 6 mois, 1 an, ça commençait à me fatiguer. Je ne voulais plus y aller. À la fin, ils ont fait un bon rapport sur mes enfants et moi. Après, le juge a enlevé la mesure. Moi, la seule chose que je voulais, c'était sauver mes enfants, sortir de cette situation-là. Donc, partout où on m'appelait, j'allais en courant, partout. J'ai fait une dépression. Et quand j'ai amené mes enfants à l'école, en fait, c'est mes enfants qui me tenaient pour me ramener à la maison. Eh bien, parce que j'étais sur Prozac. J'étais, donc, c'est les enfants qui me tenaient la main pour me ramener à la maison. Mais vous, ça vous est déjà arrivé de taper les enfants? Oui. Pas taper jusqu'à les tuer, non. Non, mais bon. Des baffes. Des baffes. Une bonne fessée, oui, mais je te... Surtout quand l'enfant commence à hey, « mon papa, il est où ?» Tu dis « Il n'est pas là. Mon papa, il est où? Pourquoi il est parti ?» On a beau expliquer à l'enfant, ou alors « Je veux telle chose, j'en ai pas. Je veux telle chose. Bon, » une petite fessée aux fesses. Comme ça, tu te calmes. Oui, tu te calmes. Je ne me déchaînais pas sur les enfants, la colère sur les enfants, hein, non, parce que mes enfants souffraient déjà. Ma colère, elle était à l'intérieur. Il fallait plutôt que je montre aux enfants que j'étais maman forte. Ouais. Ces dispositifs-là, ça tue les enfants, ça tue le parent, ça éclate la famille. C'est terrible. Il y a des moments où tout est compliqué. Quand vous êtes dans cette loi des séries-là, c'est pas le moment que votre enfant vienne vous prendre la tête avec de la désobéissance ou de la rébellion caractérisée. C'est pas le moment. C'est pas parce qu'on est famille mono, on est des humains, on craque, on n'en peut plus. Le Montessori ne passe pas dans les quartiers défavorisés. Exactement. Là. Si vous allez à Port-de-Vent, vous faites Montessori, eux-mêmes, ils vont monter sur vous comme une souris, vous allez voir. Oui, mais souvent, c'est ça. C'est-à-dire, soit vous vous laissez bouffer par les gosses et vous devenez un légume dans votre propre maison, ou alors, à un moment, vous leur dites, ici, jusqu'à preuve du contraire, c'est moi. Je suis une femme, mais je suis le chef. Mais c'est le problème de la... Voilà. Parce que la monoparentalité, c'est une violence. Et souvent, les enfants, ils combattent la violence par la violence. Oui. Et des fois, vous êtes à même de canaliser ça. Mais des fois, je vous assure que c'est compliqué, quoi. J'en ai quand même une bonne. Une histoire qui me vient comme ça, parce que ça, c'est la chose la plus... une des choses les plus violentes qui m'ait été permis d'entendre. Une famille, donc famille mono, bien sûr. La maman est au travail. C'est mercredi, les enfants sont à la maison, puisqu'il n'y a pas école. D'accord ? Mais les enfants sont en âge de rester à la maison. Hein. C'est pas des tout-petits, hein. La maman appelle régulièrement pour savoir si tout va bien, quand même, puisqu'ils sont quand même dans la maison tout seuls. Mais la maman n'arrive pas à voir la sœur aînée. Donc, ce que fait la maman, c'est qu'elle demande à la voisine d'aller taper chez elle pour voir qu'est-ce qui se passe dans la maison. La sœur n'a pas ouvert la porte à la voisine. Et là, la maman, elle s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison. Donc, dans sa tête, déjà au travail, elle n'est plus au travail. C'est déjà un stress, parce que dilemme, tu vas voir ce qui se passe chez toi, tu perds ton emploi, ou tu restes dans ton travail. Et ta tête, elle est à l'envers. Bon, elle a choisi de rester quand même dans son travail, parce que si elle perd le travail, problème. Mais les heures sont longues. Elle arrive chez elle, et la sœur, elle rentre peut-être vers 18h. Elle avait été collée à l'école. La maman, tellement angoissée, tellement en stress. Enfin, il y a tout qui s'est mélangé. La peur, la colère, le stress. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer qu'un parent peut traverser dans ces moments-là. Elle accueille sa fille, deux baffes dans la figure. Deux claques, paf, magistral, mais c'est laisse tomber, quoi. C'est-à-dire, ça, c'est toute la colère qui était emmagasinée toute la journée, qui s'est marquée sur le corps de l'enfant. Mais l'enfant, il va à l'école le lendemain. Les marques, elles sont mal élevées, les marques. Elles partent pas le matin. On dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Maman m'a frappé. Ah, maman! Maman m'a frappé. Mais... Dans la logique des choses, la première chose que vous faites, vous appelez le parent pour dire que là, nous avons un problème. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous pensez bien. Elle a amené la petite à la police. Le soir, la maman attend de nouveau son enfant. L'enfant ne vient pas. Mais là, pour le coup, 19h, l'enfant... Mais la maman a fait le tour du quartier, commence à avoir peur. Parce qu'elle n'était pas au courant que sa fille était à la police. Non, bien sûr, mais vous pensez bien qu'on ne va pas lui dire. Alors, la maman va à la police, finit par aller à la police pour dire, alors là, hier, elle était en nerfs, là, elle était en larmes. Parce que pour elle, on a enlevé son enfant, on a tué son enfant, enfin, je ne sais pas. C'est un truc de dingue. Et vers 22h30, comme ça, la cité appelle, à Châtelet, là-bas, la cité appelle. La brigade des mineurs. Voilà, la brigade des mineurs. Et on appelle, on dit, on vous attend, on a votre fille, on vous attend, vous amenez votre autre fille... Et les carnets de santé. Elle va à la brigade des mineurs. Sur place, garde à vue. Garde à vue. On enlève la ceinture, on enlève les lacets. Mais mandat de dépôt. Mais la maman, mais elle s'est dit, mais c'est quoi? Je veux voir mes enfants, vous n'avez pas le droit de les voir. Mais elle a fait une garde à vue, on a placé les enfants. Mais c'est-à-dire, c'est comme si la maman était une terroriste. Vous avez battu votre enfant, on va faire une perquisition. Ah bon? Ben oui, parce qu'on veut savoir comment vous avez l'habitude de les battre. Mais comment ça, comment j'ai l'habitude de les battre? Mais demandez-moi pourquoi j'ai baffé ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout ça, c'était pas leur problème. Ça veut dire qu'ils ont appelé le travail de la mère. Elle a perdu son travail. On a déféré les enfants devant le juge des enfants et on les a placés. La mère n'avait plus l'accès aux enfants. Elle ne savait même pas où ils étaient, chez qui ils étaient. Rien. Pendant un mois, les enfants ont disparu de son univers pour deux baffes. Maintenant, pendant un an, elle a eu un suivi pour voir si c'était une bonne mère. Ils disent à la fille que si jamais ta mère écrit sur toi, tu appelles ce numéro tout de suite. Donc maintenant, le rapport avec la petite, là, qu'est-ce que c'est? Dès qu'elle est en désaccord avec la mère, de toute manière, je téléphone, on m'a dit que si tu m'énerves, je téléphone. Il y a eu une fracture dans la relation entre l'enfant et la mère à cause de ça. Quel était l'objectif? Je n'ai jamais compris. Si ce n'est d'avoir foutu la merde entre les enfants et la mère, manque de confiance, manque de respect. Après, il faut rebâtir. Parce qu'en l'espace de un mois, mais ils ont tué l'éducation de la mère. Ils ont fait des dégâts, mais c'est magistral. C'est-à-dire, même la mère, elle n'ose même plus dire à sa fille, va te coucher. On en était là. Mais c'est un truc de dingue. Est-ce qu'on peut bien comprendre ce que je suis en train de dire? On dit que deux claques à l'enfant, c'est de la maltraitance. Mais ce que l'État a fait là, ça s'appelle comment? C'est pas de la maltraitance, ça? Quelle heure il est? 20h38. 21h, c'est coup, c'est au lit. Parfois, on répète. Enlève tes chaussures, enlève ton manteau. Accroche ton manteau. C'est usant de répéter. Alors qu'ils ont bien entendu depuis la première fois. Hein. On a peur. On a quoi? On a peur de ça. T'as peur de moi? Quand tu cries, oui. Tant mieux. Pas c'est bien. Tant mieux. Bien, moins mieux. Fais pipi et brosse tes dents. Oh là là. Un. Deux. Oui. Au revoir. En ce moment, mes fils ne sont pas encore mariés. Il faut que mes filles se marient. S'ils se marient, je serai soulagée parce qu'il faut que je lave le linge. Je suis fatiguée. Je les ai élevées, je veux m'asseoir, me réjouir. Ah, mais je n'ai pas encore de petits-enfants. Bon, les garçons, écoutez, hein, je vais vous trouver les femmes. Soit vous les trouvez vous-même, soit moi-même, je vous les trouve. Si je meurs sans petits-enfants, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, je passe dessus. La nuit, je ne dors pas, je me réveille à 2h du matin, je suis angoissée. J'ai besoin de m'acheter un aspirateur. Je vais demander l'argent au garçon. J'ai besoin de sortir un peu. J'ai besoin de respirer un peu. J'ai besoin d'aller chez la coiffeuse. Mon congélateur est vide parce que je n'ai pas assez d'argent. Il faut que je paye l'électricité. Maman t'appelle au téléphone. Non, ne décrochez pas, c'est EDF. Maman t'appelle au téléphone. Ne décrochez pas, c'est SFR. Il faut que je paye les factures. J'ai froid, mais je n'ose pas allumer le chauffage. Ça coûte trop cher parce que tout est électrique dans la maison. À un moment donné, je déprime. Je suis fatiguée. Ça fait longtemps que je n'ai pas été en vacances, depuis 2006. Il faut que je parte en vacances, mais je n'ai pas d'argent. Ma fille, fais attention, hein, parce que si à l'école ça ne va pas, ça va nous retomber dessus. Il faut que tu réussisses dans la vie. Il faut que tu trouves un mari, un bon mari. Il ne faut pas que tu fasses comme moi. Je veux manger les légumes parce que j'ai grossi. Le médecin m'a dit de perdre 20 kilos. J'ai perdu 4 kilos, j'ai repris 6. Et puis tant pis, hein, tant pis. Si je rencontre un homme, s'il ne veut pas de moi parce que je suis grosse, mais tant pis pour lui. Le médecin m'a dit que s'il ne fait pas attention, je peux faire un AVC. Oui, mais je ne peux pas faire un régime, je ne peux pas manger des légumes. Je vais acheter pendant une semaine, après je n'ai plus d'argent, je mange tout ce qui me tombe dans les mains. Tiens, je vais aller voir, est-ce que j'ai fait mon lit? Oh, puis je n'ai pas de mari, hein. Je n'ai pas envie de faire mon lit, je laisse mon lit comme ça. Bon, je vais quand même le faire pour mon plaisir, je vais faire mon lit. Bon, j'arrange bien ma chambre, je fais mon lit, tant pis. Je suis fatiguée, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes. Je ne peux plus marcher. Demain, je vais aller voir l'assistante sociale pour demander une aide pour l'électricité. J'y vais. Elle me demande les papiers. Je lui donne les papiers. J'attends pendant un mois. Je retourne. Elle me dit parce qu'il manquait un papier. Je lui dis, mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Pourquoi vous ne m'avez pas écrit pour me dire qu'il manquait un papier? Je me fâche, je laisse tomber, je n'ai plus besoin de cette aide-là, tant pis. Ah, et puis à un moment donné, ouf, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, pourquoi? Ben parce que j'ai élevé 5 de mes enfants, ils sont grands, ils sont en bonne santé. Et puis ça repart, ça repart. Je veux manger un bon gâteau, mais je n'ai pas d'argent, ça coûte trop cher. Mais tant pis. Tiens, je vais mettre un peu d'argent de côté pour les FDF. J'ai un peu d'argent, je vais faire manger pour eux. Je vais aller à la porte de la chapelle distribuer. Oui, mais c'est que moi, je n'ai pas assez d'argent. Oui, mais eux encore, c'est pire. Donc, le peu que j'ai, il faut que je partage avec eux. La journée passe. La journée passe. Elle recommence, elle passe, elle recommence. Je pense à moi, je pense aux autres, je pense à ceux qui sont encore pires que moi. Et en même temps, je me dis, la vie est belle. Parfois, j'éclate de rire. Parfois, je me trouve tellement belle. Parfois, je me mets devant la glace, je crie. Je dis, mais oh là là, comment un homme a pu t'abandonner, une belle femme comme toi? Regarde-moi comment tu es belle. Puis j'espère les meilleurs jours. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Puis je grossis. Oh, ma robe, là, je ne peux pas entrer dedans. Eh bien, ça continue comme ça, ça continue, ça continue. Tous les jours, ça continue, ça continue. À la fin, je suis contente. Je ne déprime plus. Mais mon plus gros souci, c'est que mes enfants ne sont toujours pas mariés. Mère solo plus disparaître. Elle ouvre le fil de discussion créé par Beverly. Je veux connaître la joie d'être une femme, pas juste une mère. Je suis une mère indigne, bien sûr, mais le père, c'est étrange. Personne n'en parle. On ne lui reproche rien. Il n'a pas vu sa fille depuis 2 ans. Monsieur fait les 3-8, monsieur fréquente, monsieur est très occupé. Moi, je m'amuse toute la journée à courir dans un hôpital. J'ai plus de 40 ans et marre de me sacrifier. Autant en finir tout de suite. Moi, ce que j'aimerais, c'est la vie d'une femme qui aurait enfin tout envoyé balader. D'une femme libre. On dit qu'on est dans un pays de droit, d'accord? Donc si on est dans un pays de droit, le droit devrait dire que du moment où il y a un acte, il y a une responsabilité qui s'y attache. Les enfants sont là, ils n'ont rien demandé, d'accord? Que tu ne veuilles plus la femme ou l'homme, ça te regarde. Mais par contre, il devrait y avoir des moyens coercitifs pour que les pères, parce qu'en général ce sont des pères, mais même les mères, prennent en charge l'éducation des enfants. Si vous ne payez pas vos PV, je vous assure que même si vous êtes dans une campagne, on va vous retrouver. Pour payer vos impôts, ils savent vous trouver. Parce que d'après eux, c'est normal de payer ce que vous devez à l'État. Mais pourquoi c'est pas normal qu'un père paye ce qu'il a à payer pour le bien-être de cet enfant? Pourquoi l'État ne reconnaît pas ça? Mais quand vous accouchez, il y a l'État civil. Ça veut dire que l'enfant, on sait qu'il est né. Donc il devrait y avoir branle-bas de combat. Dès qu'il est né, il y a un processus qui s'enclenche pour que le père supposé prenne en charge l'éducation de l'enfant. Maintenant, le père, il a le droit de contester. Parce qu'on peut aussi lui faire à l'envers au papa. Mais il y a des recherches de paternité, non? Une fois que c'est avéré que c'est le père, de quel droit ce monsieur se permet de ne pas tenir compte qu'il a un enfant? De quel droit? Et de quel droit la société cautionne ce genre d'action? Et moi, je ne suis pas pour l'allocation de soutien familial. C'est une avancée et ça sert aux familles. Mais ça, ce n'est pas la solution au problème de base. On ne veut pas de substitution. On veut que le père prenne ses responsabilités. Et même si le papa, il est au RSA, ce n'est pas le problème de l'argent. C'est le principe. Tu assumes ta responsabilité. Tu l'assumes. L'État ne peut pas se substituer à des pères défaillants. Ce n'est pas normal. Il y a des dispositions d'ailleurs. Mais ces dispositions ne sont pas accompagnées. Je n'ai pas encore vu à la télé ou entendu qu'un parent se soit fait arrêter à l'aéroport ou je ne sais pas où parce qu'il ne payait pas la pension. Donc, c'est en toute impunité. Voilà pourquoi ils agissent de cette façon. Parce que s'il y avait 1-2 exemples comme ça où à la télé on en parle ou à la radio, mais peut-être que maintenant ils commençaient à réfléchir en se disant « Tiens, je peux me faire pincer. » Mais un parent qui verse aucune, je vais dire... présence, zéro. Argent, zéro. Et ça dure ad vitam aeternam sans qu'il se fasse pincer. Mais vous croyez que quoi? Mais les autres suivent, ils imitent, puisqu'il n'y a rien derrière. Aucun gouvernement à ce jour n'a mis en place un système qui dit dorénavant, un père qui abandonne sa famille, parce qu'il y a abandon des familles, non-paiement de pension, c'est du pénal. C'est carrément du pénal. Pour que ça touche le plus grand nombre, il faut que la loi s'en mêle. Il faut vraiment que les politiques prennent ça en charge. Donc, on a déjà tenu compte qu'il y a des familles qu'on appelle monoparentales. Maintenant que tu as dit que les familles monoparentales existent et qu'elles sont souvent précaires et en difficulté, va plus loin. Pourquoi ça persiste? Pourquoi les statistiques montrent que les familles monoparentales, en termes de chômage, ça explose? Mais ça, tout ça, c'est politique. Je pense que c'est l'égalité dans la parentalité, l'égalité homme-femme, qui a repensé sa base. Et si la société accepte de dire que l'homme, les parents, en tout cas, qui n'ont pas la garde principale, n'ont aucun droit de visite, à ce moment-là que la société se substitue à cette parentalité défaillante, mais qu'on ne laisse pas 50% du foyer s'occuper à 100%, supporter à 100% les charges parentales. Effectivement, on n'est pas que marié devant la loi, on peut être aussi parent devant la loi avec un contrat, des choses qui vont beaucoup plus loin qu'un simple droit de visite. Pour moi, le droit de visite est d'une autre époque, c'est l'ancien monde. On ne peut pas se contenter de ça pour un père. Et donc, il faudrait pénaliser pour une mère. Je ne sais pas, je ne suis pas pour la pénalisation à outrance. Je pense qu'il faut vraiment que ça vienne dès le départ, repenser la parentalité dès le départ, je pense. Mais... plus la façon archaïque et sauvage dont on devient parent aujourd'hui. Je trouve, je suis sûre que dans 50 ans, on ne sera plus parent dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Ça sera peut-être beaucoup plus pensé, approfondi, contractualisé. Ça sera beaucoup mieux pour les enfants. Hier, ils étaient au cirque. Avec leur papa. Ah, donc le papa, il est là quand même. Ben, en fait, le truc des papas, ce qui est bizarre, c'est qu'eux sont papas à mi-temps. Si ça dépendait que d'eux, je crois que ce serait quand ils veulent. Parce que c'est facile dans la bouche de dire, moi j'ai des enfants, moi. Ben oui, je suis daron, moi j'ai des enfants. Sauf que, être papa, c'est pas dire j'ai des enfants. C'est s'en occuper, un minimum. Même s'il y a séparation, ben... quand le week-end il est venu, ils ont envie de voir papa, donc il faut faire l'effort, papa. Et là, en l'occurrence, en ce qui moi me concerne, j'ai eu beaucoup de mal à lui faire comprendre. Avec dispute, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de concessions. Ça n'a pas encore pris, hein. Mais c'est un bon début, je trouve. C'est-à-dire que vous devez aussi éduquer le papa. Ouais, c'est exactement ça. Éduquer le papa. Est-ce que c'est possible de refaire sa vie? Est-ce que c'est possible de vivre comme une femme quand on est maman solo? Moi, j'ai voulu protéger mes enfants. Je ne voulais pas un intrus, un homme qui va venir jouer au papa, commencer à commander. Ça, je ne voulais pas de ça. Alors moi, ce n'est même pas la raison pour laquelle j'ai pas... Mon problème, c'est que je voulais tellement être parfaite. Donner vraiment la perfection vis-à-vis de mes enfants. Qu'il n'était pas question... que d'un côté ou d'un autre, elle puisse me prendre à défaut. J'étais pas sevrée de leur père. Ça veut dire que la raison me disait que c'est fini. Mais mon corps, mon âme, mon cœur ne me disait pas que c'était fini. Et vous pouvez pas être avec quelqu'un par dépit. Parce que ça se gomme pas comme ça. Vous avez pas idée de la blessure. C'est-à-dire la monoparentalité, c'est juste le résultat qu'on voit comme ça à l'extérieur. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui a été subi, qu'est-ce qui a été fait. C'est des douleurs. Et c'est le résultat de vos enfants qui va vous guérir. Parce que moi, aujourd'hui, je vois mes enfants. Je suis grand-mère 3 fois. Je vois mes enfants quand je fais ça, là. Oh, je dis, Seigneur, mon Dieu, j'ai pas souffert pour rien. Sois béni. Justement, je voulais savoir... donc, vous avez votre fille, Ambre, qui était enceinte la dernière fois. Elle a accouché un bébé magnifique. Alors, justement, comment ça s'est passé, l'accouchement de votre fille? Aucun problème, le bébé est super belle, ma petite fille super belle. Mais quand même, il y a eu... elle m'a dit après coup quand même ce petit côté nostalgique d'avoir été seule à accoucher. Parce que moi, je gardais sa fille pendant qu'elle accouchait. Et elle est famille mono. Le papa, il n'était pas là. Oh non, il n'est plus avec le papa. Donc, voilà, encore des drames. Et moi, je voulais être là, mais je ne pouvais pas être là parce que je ne voulais pas laisser ma petite fille. Parce que pour elle, c'était compliqué. Elle savait très bien qu'il y avait le bébé dans le ventre de maman, que le bébé devait sortir. Elle était déjà en stress. Et je n'allais pas laisser aller voir ma fille pendant que je laisse sa petite fille parce que la maman, elle n'allait pas être bien. Parce que, mais t'as laissé Maëlys toute seule, c'est pas possible. Enfin, c'était complètement hallucinant. Donc, j'ai pris sur moi. Donc, on était au téléphone. T'en es où? Ça va, les contractions, machin. Je suivais ça en direct, en live, comme on dit. Mais j'étais pas là. Et ça, c'était vraiment, pour moi, c'était un drame. Mais ça s'est bien passé quand même. Et puis, quand elle a vu le bébé, elle a oublié tout ça. Mais c'est pas anodin d'accoucher seule. Accoucher seule, ça sous-entend qu'on n'est rien pour personne. C'est ça que ça veut dire. Même si on ne dit pas les mots, dans les faits, t'étais toute seule. Ça veut dire que c'est des blessures, ajoutées à des blessures, ajoutées à des blessures. Tout ça, ça vous fait des commotions. Ça vous fait des... Je veux dire, ça vous transforme quelqu'un. Et si vous ne faites pas attention à toutes ces blessures, vous allez devenir quelqu'un que vous n'êtes pas censé devenir. Ouais. Or qu'à la base, vous n'étiez pas ça. Ça vous est arrivé, vous? Ah, mais moi, j'ai accouché toute seule. Ça a été terrible pour moi. Et ça doit être d'autant plus terrible parce que... Quand ça se reproduit sur mon enfant. Ouais. Ça, c'est pas possible. Ouais. Parce que justement, je me suis battue toute ma vie pour que ce qui m'est arrivé n'arrive pas à mes enfants. Ça, c'est un échec. Je ne sais pas comment expliquer, parce que les mots ne parlent pas suffisamment fort. C'est terrible, ça. Je me suis battue toute ma vie pour que ça n'arrive pas, et c'est quand même arrivé. On n'a pas le contrôle des choses, quoi. Non. C'est vraiment... C'est terrible, terrible, terrible. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que les choses sont comme ça, mais c'est comme ça. Je vais me mettre dans la tête de Ambre. Je vais fermer mes yeux et je vais voir sa journée. Donc, un enfant de 4 ans, un enfant de moins de 3 semaines. Je ne dors pas. Il faut que je pense à tirer mon lait. Parce que j'ai des crevasses et je ne peux pas la mettre au sein. Si je la mets au sein, je souffre. Si je souffre, je dors encore moins. Il faut que je m'occupe de Maëlys. Parce qu'il y a le nouveau bébé qui est là. Elle se sent délaissée. Il faut que je me partage. J'ai pas la force. Il faut que je le fasse sans dormir. Il faut que je fasse à manger. Il faut que je fasse les courses, mais je peux pas porter parce que Maëlys, elle marche pas assez vite. Parce que Maïlan, elle est trop lourde. J'ai mal au dos. Il faut que je voie pour aller à la CAF. Il faut que je m'assure que j'ai bien mes allocations qui tombent, mais les allocations sont en retard. Il faut que j'aille voir à la PMI pour voir si l'enfant mange bien. Il faut que je me conditionne parce que bientôt je reprends le travail, mais la petite, elle fait pas ses nuits. Elle fait pas ses nuits et la petite, elle recommence à faire pipi au lit parce que le bébé est arrivé. Il faut que je prenne des vacances. Mais là, j'ai pas suffisamment d'argent parce qu'ils ont baissé mon APL. Je sais pas pourquoi, en fin de compte. Donc, ils ont mis le loyer plein pot et ça a pris un quart de mon salaire. Il faut que je parte en vacances. Il faut que je parte absolument en vacances. Il faut que je souffle. Il faut que je donne la petite à maman parce qu'il faut que j'arrive à dormir une nuit. En fin de compte, il faut qu'elle prenne les deux parce que je ne m'en sors pas. Il faut que je dorme. Je dois faire les machines parce que les linges se salissent vite, parce que la petite, il faut toujours la changer. Bientôt, je reprends le travail. Enfin, j'ai trop de choses dans la tête, en fin de compte. Je sais plus comment faire. Dans le même temps, il faut que j'achète beaucoup de choses, mais j'ai pas toujours les moyens. Et puis, j'en ai marre, en fin de compte. Il faut juste que j'achète des choses pour me soulager. Quelque chose qui me fasse plaisir, qui n'a rien à voir avec les enfants. Il faut que je m'achète des fringues, il faut que je m'achète des pompes. Parce que, en fin de compte, j'ai envie de maigrir. Il faut que je mange moins. Il faut que je mange plus de légumes. Mais il faut que je mange bien parce que j'allaite. Je suis dans plein de trucs en même temps. En fin de compte, je suis fatiguée. Dans ma tête, je suis fatiguée. Mais je peux pas être fatiguée. Parce que j'ai deux enfants et les deux enfants n'ont pas à subir ma fatigue. Donc, il faut que je tienne. Il faut que j'appelle ma mère parce que quand je parle avec elle, eh ben, elle arrive à me requinquer. Parce que là, je ne suis pas en train de craquer, mais je suis juste à bout de souffle. Je suis fatiguée. Elle sent ses jambes, ses cuisses, son dos, sa nuque. Avoir un corps. Un corps sans enfant qui s'y cramponne. Un corps sans poussette qu'il prolonge. Ça lui avait paru étrange lors de ses premières sorties. Elle s'était sentie nue, vulnérable. Comme si on l'avait amputée de quelque chose, d'une extension quasi naturelle d'elle-même. Mais ce soir, elle se sent légère, légère. Avancée, à son propre rythme. Pas celui, lent, toujours décalé de l'enfant. courir le long des quais, sautiller, chantonner dans la nuit froide. Demain, elle sera crevée. Au moins, elle saura pourquoi. Mais ça sera, mais laisse tomber, mais je perds 20 ans là d'un coup là. Ah mais oui, vous voyez déjà une femme mariée là? Et surtout, faut prendre un jeune. Hein. Ah non, non, je n'ai pas un jeune. Je veux un vieux que je rajeunis. Un jeune, il va te faire chier encore. Mais comment on a fait pour tenir tant d'années sans homme dans notre vie? Quand je dis à quelqu'un que ça fait 21 ans que je... Je te dépasse. Oui, ça, je me dépasse. Ah ouais. Mais les gens me disent, mais tu racontes des histoires. Non, mais pour les gens, c'est lui. Oui. Je suis enceinte de ma fille, je suis enceinte de moi. Un mois. J'ai fait les 9 mois de grossesse comme ça. Toute seule. Toute seule. Donc ma fille a 21 ans. Je disais que ça fait 20 ans que j'ai arrêté. Mais va dire ça à quelqu'un, va te dire, mais t'as pas un petit copain? Je dis, moi, un petit copain, il me faut un grand copain. C'est la vérité. C'est ça. On veut pas des hommes au rabais. On dit ça. On veut pas des hommes au rabais. On mérite, ouais, on mérite d'avoir un homme avec un H majuscule. Mais oui. Combien d'années? Ah non, moi, ça doit faire 28. Hein. 28 ans? Eh bien, à un moment donné... C'est, dans mon cas, là, c'est une chirurgie qui... Ça me rappelle la gynéco. La gynéco, okay. Tu dis pas ça quand tu vas faire le frottis. Bon, ça doit être coupé, hein. Franchement, la dernière fois, mais la gynéco est malade. Elle me dit, mais attendez. Mais oui, parce qu'elle va prescrire maintenant des gélules, des trucs. Mais parce je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à mettre le frottis, voilà, c'est ça. Son truc, ouais, en fait, vous êtes malade. C'est pour vous dire, c'est de la torture. Elle me dit, mais attendez, il n'y a pas un mec. Je t'assure. Ce n'est pas que pendant toutes ces années-là, on n'a pas rencontré les hommes. Hein. Ils viennent. Moi, on les détecte. Hein. Moi, je demande toujours, quand est-ce qu'il y a eu une petite copine pour la dernière fois? Oh, il y a 6 mois. Je lui dis, quand tu auras atteint 10 ans sans petite copine, tu viendras me voir. Oui, j'ai dit, tu viendras me voir. Comme ça, nous serons à égalité. Il faut que je me démonstre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ou bien, il y a l'appétit bien en mangeant. Avec des faux pas, des faux pieds, chacun de nos portes sa vie. À sa manière. De quand on est beau au fond de soi, un jour ou l'autre, quelqu'un nous voit à sa manière. Même sous la pluie et des mauvais jours, j'ai suivi la ligne d'amour à ma manière. Les chagrins que je traîne, j'ai mis mon cœur en quarantaine à ma manière. Ma vie, je n'en ai qu'une, mais je la veux, libre et sans loi, j'en ai le droit, elle est à moi. Avec Carole Fib, Josette Elombo et les mamans solo de l'association Yatchad. Documentation, Corinne Chauvel, Christine Anzano, Inès Barja. Prise de son, Jérémy Tuile, Yves Lehors. Mixage, Régis Nicolas. Un grand merci à l'association Yatchad pour l'accueil et la force partagée. Merci également à François, Adèle et Olivia Barraud de l'association Moi et mes enfants. C'était Vivre avec la solitude, se battre seul, la traversée de la nuit des mamans solo. Un documentaire de Pauline Mocor, réalisé par Véronique Samuilov. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie et liens, ou pour nous réécouter au cœur de la nuit, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank qui propose une sélection éclectique, rare et pointue, parfaite pour le confinement, de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, la solitude des gosses de riches. Mais en attendant, restez à l'écoute et restons chez nous.